Et ta sœur Sophie, elle va bien ? Oui, elle prépare son mariage. Elle se marie en juillet. Ah, super ! Félicitations à ta sœur et à son futur mari. Et toi, ta famille, ça va ? Oui, les enfants vont bien. Demain, ils partent en vacances chez mes parents avec leurs cousins. Alex, tu vois ton frère ?